إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans les cours de tafsir durant ce mois de Ramadan avec le tafsir des sourates qui sont as-sourat al-mufassal, sourate al-hujurat jusqu'à al-hadid dans le tafsir de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Et on a commencé hier à expliquer le premier verset dans sourate al-hujurat et on n'a pas terminé. Donc on va compléter ça. Le premier verset dans sourate al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Bismillahir Rahmanir Rahim »« La tuqaddimu bayna yaday, ya ayyuha alladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih, wattaqullah, inna Allaha sami'un alim. » Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, certes Allah est audient et omniscient. Donc on a expliqué une partie de ce que signifie ce premier verset et ce que signifie de ne pas devancer Allah et son messager. Et on a expliqué que ça voulait dire de ne pas devancer Allah et son messager dans quoi que ce soit, des actions et des paroles, et ne rien faire avant de savoir le verdict d'Allah et de son messager à propos d'une chose quelconque. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset wattaqullah, et craignez Allah. Bon, souvent on a l'habitude de traduire en français le terme attaqwa ou bien taqwallah ou bien ittaqullah par la crainte d'Allah. Et donc ça c'est une traduction qui est incomplète en réalité. Et c'est parce que le vrai sens de at-taqwa, c'est beaucoup plus large que de uniquement craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que al-khawf, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, khashiyatullah wa yani al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est une seule partie de at-taqwa. C'est une seule partie de at-taqwa. Parce que at-taqwa, c'est de faire ce que Allah nous ordonne de faire par espoir en sa récompense et en se basant sur la science que Allah a révélée. Et c'est également de s'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire par crainte du châtiment d'Allah. Et en se basant bien entendu sur la révélation et sur la science que Allah a révélée. Donc, la crainte, c'est une partie de at-taqwa, mais ce n'est pas la définition de at-taqwa. Donc, le Cheikh explique, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit وَاتَّقُوا اللَّهُ وَهَذَا تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ لِأَنَّ التَّقَدُّمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُخَالِفٌ لِلتَّقْوَى وَلَكِنْ نَصَّ عَلَيْهِ وقدمه لأهميته ومعنى واتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل، وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر تقربا إلى الله تعالى ومحبة لثوابه، وترك النواهي خوفا من عذاب الله عز وجل. ومن الناس إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وتصاعد في نفسه عز في نفسه، وأوغل في الإثم، وانتفخت أدواجه، وقال أمثلي يقال له اتق الله؟ وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه، ومن هو أتقى عباد الله، أو أتقى، نعم، من هو أتقى عباد الله لله، فأمره بالتقوى. أي نعم. Donc le cheikh il dit, le fait de dire, le fait qu'Allah dise ittaqullah, c'est ittaqu, c'est au pluriel et c'est le verbe impératif de ittaqwa. Waqa yaqi ittaqu, yani craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien faites preuve de piété envers Allah, parce que ittaqwa c'est souvent c'est traduit aussi par la piété. Et donc le cheikh explique que ça c'est un ordre général après avoir été précédé d'un ordre qui est plus spécifique. L'ordre qui est spécifique, c'est ce qui est mentionné au début du verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Donc ça c'est, ça fait partie de la piété, de ne pas devancer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ça fait partie de la taqwa. Et de devancer Allah et son messager, c'est quelque chose qui est en contradiction avec at-taqwa. Et donc, il l'a fait précéder à cause de son importance, puis ensuite il mentionne l'ordre de faire preuve de piété de façon plus générale, en disant « wattaqullah ». C'est-à-dire de prendre qu'est-ce qu'on dit en appelle en arabe, wiqaya, parce que le mot taqwa c'est de là que ça vient de al-wiqaya, c'est-à-dire de prendre entre nous-mêmes et le châtiment d'Allah une protection, de prendre une protection entre nous et le châtiment d'Allah. Et on ne peut réaliser et obtenir cette protection du châtiment d'Allah excepté en faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, de ses ordres, et en s'écartant et en s'abstenant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire, des choses qu'il nous a interdites. Donc, en faisant ce que Allah nous ordonne, dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, et par amour pour sa récompense, et en abandonnant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit par crainte de son châtiment, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, il nous ordonne de cette façon-là de faire preuve de piété et de craindre Allah et de manifester cette piété et cette taqwa de cette façon-là. Et il dit, parmi les hommes, il y en a qui prennent mal le fait de se faire ordonner la piété la piété à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils n'acceptent pas, ou ils prennent très mal qu'on leur dise, par exemple, ittaqillah. Ittaqillah, fais attention, crains Allah. Ils refusent d'accepter qu'on leur dise ce genre de paroles. Et lorsqu'on leur dit ittaqillah, eh bien, ils sont pris d'orgueil. Ils sont pris d'orgueil par rapport au péché qu'ils font. Et donc, ils s'enflent d'orgueil, ils se gonflent de rage. Et tu vois, Yanni, son visage qui يعني devient en colère, يعني comme rouge et ainsi de suite. Et il dit, est-ce que c'est à moi ou à quelqu'un comme moi que tu dis ittaqillah? Est-ce que tu es en train de dire à moi, quelqu'un comme moi, de craindre Allah? Yani, comme s'il se croit au-dessus de l'ordre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si en voulant dire, comment oses-tu me dire à moi de craindre Allah? Et le cheikh, il dit, alors qu'il ignore ce pauvre, ce minable, il ignore que parmi celui qui est le plus noble et le plus pieux des serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné la piété et lui a dit ittaqillah. Et c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à la plus noble et la plus pieuse de toutes les créatures de craindre Allah et de faire preuve de piété envers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le cheikh dit, قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال الله تعالى واتقوا الله واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, يا أيها النبي, c'est surat al-Ahzab, oh toi le prophète, Allah s'adresse directement à lui. Il dit ittaqillah, crains Allah, fais preuve de piété envers Allah, cherche une protection entre toi et le châtiment d'Allah, et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Il lui dit dans l'autre verset, ittaqillah, et crains Allah, et tu caches en toi-même ce que Allah allait dévoiler, et tu crains les hommes, alors que Allah mérite plus d'être craint. ومن الذي لا يستحق أن يؤمر بتقوى الله فكل واحد منا يستحق أن يؤمر بتقوى الله عز وجل والواجب أنه إذا قيل له اتق الله أن يزداد خوفا من الله وأن يراجع نفسه وأن ينظر ماذا أمر به إنه لم يؤمر أن يتقي فلانا وفلانا وإنما أمر أن يتقي الله. وإذا فسرنا التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره تقربا إليه ومحبة لثوابه وترك نواهيه خوفا من عقابه فإن أي إنسان يترك واجبا فإنه لم يتق الله وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من المخالفة. Donc le cheikh il explique ici, il dit parmi les gens, il dit parmi les gens, est-ce qu'il y en a qui ne méritent pas d'être ordonné de faire preuve de piété envers Allah et de chercher une protection entre eux et le châtiment d'Allah? Est-ce qu'il y en a un parmi nous qui peut être exempté ou qui ne mérite pas qu'on lui dise cherche une protection entre toi et le châtiment d'Allah? Sois pieux, crains Allah. Le cheikh il dit, chacun d'entre nous, il mérite qu'on lui ordonne la piété envers Allah. Parce que l'obligation de quelqu'un, lorsqu'on lui dit crains Allah ou ittaqillah, cherche une protection entre toi et le châtiment d'Allah, eh bien à ce moment-là c'est qu'il augmente en crainte d'Allah. Au moment où on lui dit ça, il ne doit pas s'enfler d'orgueil ou se fâcher, au contraire, Il doit augmenter dans sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit revenir à sa raison, revenir à lui-même et regarder ce qui lui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'a pas été ordonné de craindre un tel ou un tel, mais il a uniquement été ordonné de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur. Et donc, c'est pas de s'enfler d'orgueil ou de dire, mais pourquoi tu me dis taqillah, hein? Comment oses-tu? Pour qui te prends-tu? Pourquoi tu me dis taqillah, hein? À moi tu dis ça, comme si tu pourrais être exempté. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit taqillah, et c'est pas enflé d'orgueil. Hein? Il ne s'est pas mis en colère, au contraire, il s'est soumis encore plus à Allah et il a craint encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça que chacun d'entre nous doit agir aussi. Si on nous dit taqillah, mon frère, taqillah, qu'est-ce que tu fais, hein? Taqillah, fais ce que Allah t'ordonne. Et taqillah, écarte-toi de ce que Allah t'interdit. C'est comme ça qu'on doit, hein, comprendre quand on nous dit ittaqillah, c'est-à-dire fais ce que Allah t'ordonne et écarte-toi de ce que Allah t'interdit. Prends une protection entre toi et le châtiment d'Allah. Hein? Et on doit répondre en disant barakallahu fik, hein? Ou bien jazakallahu khayran, ou bien n'importe quelle autre parole, ou bien on dit rien, mais au moins on s'écarte de ce qui est haram et on fait ce qui est ordonné. Et le cheikh il dit innama umira an yattaqi Allah, c'est-à-dire il n'a été ordonné que de craindre Allah. Et donc si on interprète at-taqwa comme étant le fait de prendre une protection contre le châtiment d'Allah en faisant ce que Allah a ordonné, hein, en faisant ce que Allah a ordonné dans le but de se rapprocher de lui et par amour de sa récompense, et d'abandonner les interdictions que Allah nous a, des choses qu'Allah nous a interdites par crainte de son châtiment, alors dans ce cas-là, hein, tout être humain à qui on dit ittaqillah, tout être humain à qui on dit taqillah, crains Allah, hein? Eh bien, cette personne, si c'est parce qu'il a abandonné quelque chose d'obligatoire, eh bien, ça veut dire qu'il n'a pas craint Allah, il n'a pas eu de piété envers Allah dans cette chose. Et il n'a pas cherché une protection entre lui et le châtiment d'Allah par rapport à cette chose. Et sa piété a diminué selon ce qu'il a fait comme contradiction à la piété et à taqwa. Sa taqwa, elle a diminué selon ce qu'il a fait comme contradiction de la taqwa. Et le cheikh il dit, فَالتَّقْوَى مُخَالَفَتُهَا تَخْتَلِفْ فَقَدْ تَكُونُ مُخَالَفَتُهَا كُفْرًا وَقَدْ تَكُونُ دُونَ ذَلِكَ فَتَرْكُ الصَّلَاةِ مَثَلًا ترتفع به التقوى نهائيا لأن تارك الصلاة كافر كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة ومنهم التابعي المشهور عبد الله ابن شقيق رحمه الله حيث قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Donc le cheikh il dit, les degrés de piété, lorsqu'on contredit quelque chose de ce qui est relié à la piété, Eh bien, c'est des degrés qui divergent. La piété, elle comprend des choses différentes et de degrés différents. Et de contredire la piété, eh bien, ça implique de contredire des choses qui ont rapport à des degrés différents par rapport à la piété et à la foi. Donc, c'est possible que at-taqwa, abandonner at-taqwa dans certaines choses, ça peut être kufr. Comme par exemple d'abandonner la salat. Tandis qu'il y a d'autres choses qui peuvent être moindres que le kufr. Il dit par exemple d'abandonner la salat. Ça enlève complètement at-taqwa, la piété. Ça l'enlève en entier. Parce que celui qui délaisse la salat est kafir. Et cela a été prouvé dans le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la parole des compagnons du prophète radiyallahu anhum. Et même que certains d'entre eux ont mentionné qu'il y a un consensus, hein, un consensus des sahaba sur le fait que de délaisser la salat est une forme de mécréance qui fait sortir complètement de la religion. Et parmi ceux qui ont rapporté ce consensus, cet ijma, il y a un célèbre tabi'i du nom de Abdullah ibn Shaqiq. Il a dit: les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient l'abandon des œuvres ou ne considéraient rien parmi les abandons des œuvres comme étant une forme de mécréance, excepté l'abandon de la salat. C'est-à-dire que pour eux, il n'y avait rien parmi les choses qu'on abandonne, parmi les œuvres, qui pouvaient être considérées comme une mécréance, excepté l'abandon de la salat. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi. Le Cheikh dit: وَكَذَلِكَ نَقَلَ إِجْمَعُهُمْ إِسْحَاقِ بْنُ رَاهُوِيَ ولم يصح عن أي صحابي أنه قال عن تارك الصلاة إن تارك الصلاة في الجنة أو إنه مؤمن أو ما أشبه ذلك. Donc le cheikh il dit, cela a été également rapporté de la part de Ishaq ibn Rahouya, un des imams parmi les salafs, et il dit que il n'a jamais été rapporté authentiquement de la part d'un compagnon que quiconque aurait abandonné la salat, qu'on aurait dit à son sujet qu'il serait au paradis, ou que celui qui a abandonné la salat serait un croyant, ou des choses de ce genre. Le cheikh il dit ensuite: وَالزَّانِي لَمْ يَتَّقِ اللَّهِ لِأَنَّهُ زَنَى فَخَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَعَصَاهُ والسارق لم يتق الله وشارب الخمر لم يتق الله والعاق لوالديه لم يتق الله والقاطع لرحمه لم يتق الله والأمثلة على هذا كثيرة. فقوله تعالى: واتقوا الله كلمة عامة شاملة تشتمل كل الشريعة. Donc le cheikh il dit que également la personne qui commet l'adultère, elle n'a pas craint Allah, elle n'a pas pris entre elle et Allah une protection contre son châtiment, hein? De même que yani le voleur, il n'a pas craint Allah parce que il fait ce qui est en contradiction avec l'ordre d'Allah et il désobéit à Allah. De même que celui qui boit de l'alcool, il n'a pas craint Allah. De même que celui qui est désobéissant envers ses deux parents, il n'a pas pris entre lui Allah une protection contre le châtiment. De même que celui qui a coupé les liens de parenté, il n'a pas pris entre lui Allah une protection. Il n'a pas fait preuve de taqwa. Hein? Et les exemples de ça sont nombreuses. Donc, le cheikh il dit: فَقَوْلُهُ تَعَلَى وَاتَّقُوا اللَّهِ, hein, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ittaqullah, ayez de la taqwa, faites preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah. Hein? Ça, c'est une parole générale et qui englobe toute la charia au complet. Hein? C'est une parole qui englobe tout de l'islam, sans exception. Après, le cheikh, il dit « Inna Allah sami'un alim ». Allah est certes audient et omniscient. Il dit « Hadhihi al-jumla tahdhirun lana an naqa'a fi ma nahana anhu min at-taqaddum bayna yaday Allah wa rasulihi aw an nukhalifa ma amarahu bihi min taqwahu sami'un ay sami'un lima taqulun alimun ay alimun bima taqulun wa ma taf'alun لأن العلم أشمل وأعم إذ إن السمع يتعلق بالمسموعات والعلم يتعلق بالمعلومات والله تعالى محيط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يقول العلماء رحمهم الله إن السمع الذي اتصف به ربنا عز وجل ينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع إجابة فسمع الإدراك معناه أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر يعني يسمع كل صوت خفي أو ظاهر بارك الله فيك حتى إنه عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد كنت في الحجرة أي في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تجادله وهو يحاورها وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. Donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala dit certes Allah est audient et omniscient. Et il dit ça c'est une phrase qui est mentionnée pour nous mettre en garde de ne pas faire ce que Allah nous a interdit, de ne pas passer devant, de ne pas devancer devant Allah, de ne pas devancer Allah et son messager, ou de ne pas contredire son ordre, de faire preuve de taqwa envers lui, et de le craindre, et de lui obéir. Et de s'abstenir de ce qu'il a interdit parce qu'il est Samir et il est Alim. Il est Samir, c'est-à-dire il est Samir, il est audient, il entend tout. Hein? Il entend ce que vous dites. Et il est Alim, c'est-à-dire il a la science. Hein? Et il sait tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Parce que la science, elle est plus englobante et plus générale que lui. Puisque lui, c'est relié à qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qui est audible. Tandis que la science est reliée à tout ce qui est connu et tout ce qui est su. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il enveloppe toute chose de sa science. Il n'y a rien qui ne lui échappe. Sur la terre ou dans les cieux, il n'y a rien qui lui échappe. Et les ulama ont expliqué, rahimahumullah, que lui, que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même, Louis qu'il s'est attribué à lui-même est divisé en deux catégories. Sam'u idrak wa sam'u ijaba. Sam'u idrak, c'est-à-dire le fait de pouvoir capter et entendre tout. Wa sam'u ijaba, dans le sens qu'il entend, dans le sens qu'il exauce et qu'il répond. Et donc, dans le premier exemple, qu'est-ce qui a rapport avec le fait d'entendre et de capter toute chose? Eh bien, ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala entend tous les sons. Hein? Tout son, toute parole, tout bruit, peu importe que ce soit caché, que ce soit petit ou apparent. Même que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sourate Al-Mujadala, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 1, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah, et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Hein? Donc Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ce verset? Elle dit: louange à Allah, celui qui entend les voix, hein, et qui englobe tout, hein, qui entend toutes les voix et tous les sons. Hein? Son ouïe enveloppe toute chose, tout ce qui est audible, il l'entend. Il dit, cette femme était dans la pièce avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle se plaignait et elle discutait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de son mari, et moi j'étais dans la pièce avec eux et certains de leurs propos m'échappaient. Certaines des choses qu'il mentionnait, j'arrivais pas à les entendre comme il faut. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus de son trône, au-dessus des sept cieux, et lui, il les entendait. Donc, Aïcha radiallahu anha, elle dit, louange à Allah, hein, qui entend toutes choses, hein, qui entend toutes choses, et que, même si nous, des fois, on a de la difficulté à les entendre, pour Allah, lui, hein, il entend tout ça sans aucune difficulté. Et il n'y a rien qui lui échappe. Et Wallahu Azza wa Jal akhbara bi annahu sami'a kulla ma jara bayna hadhihi al-mar'ati wa bayna Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Fahadha sam'u idrak. Donc le Cheikh il dit, Allah il a mentionné qu'il a tout entendu ce qui s'est dit entre cette femme et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'on appelle as-sam'u ou sam'u l'idrak, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il entend tout et il capte tout. Thumma inna sam'u l'idrak qad yuradu bihi bayanu l'ihatati wa shumul wa qad yuradu bihi tahdid وقد يراد به التأييد وهذه ثلاثة أنواع. Le Cheikh il dit que quand on mentionne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il entend toutes choses et que son ouïe capte tout, eh bien ça peut avoir différents sens, ça peut avoir différentes significations. De un, ça peut vouloir montrer que Allah subhanahu wa ta'ala il enveloppe toutes choses et qu'il comprend toutes choses, hein, par son ouïe. Il entend toutes choses et il capte tout. Et ça peut également avoir le sens de la menace. Hein, que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il entend tout pour menacer ceux qui se permettent de dire des mauvaises choses. Hein? De même que ça peut avoir le sens de son support et son aide. Donc, les trois exemples sont mentionnés. Le Cheikh, il donne les exemples. Il dit, Al-awwal yuradu bayan al-ihatati wa shumul mithlu hadhihi al-aya. Donc le cheikh il dit, ça peut vouloir dire le sens de, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe toute chose, hein, et qu'il entend tout, et ça peut aussi avoir le sens, hein, donc, ça c'est par rapport au verset qu'on a mentionné, le verset 1 dans surat al-Mujadala, et il dit وَالثَّانِي يُرَادُ بِهِ التَّهْدِيدِ مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وانظر كيف قال سنكتب ما قالوا حين وصفوا الله تعالى بالنقص قبل أن يقول وقتلهم الأنبياء مما يدل على أن وصف الله بالنقص أعظم من قتل الأنبياء. Donc le cheikh il mentionne le verset 181. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Allah a certes entendu la parole de ceux qui ont dit: Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes. Et nous leur dirons: goûtez au châtiment de la fournaise. Et donc le cheikh il dit ici, ça c'est la preuve que quand il dit qu'il entend leurs paroles, que c'est une menace pour eux. Et il dit, et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sanaktubu ma qalu, c'est-à-dire nous allons enregistrer, nous allons écrire ce qu'ils ont dit. Hein, lorsqu'ils ont mentionné, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont décrit par une imperfection. Parce qu'ils l'ont traité, ou ils ont accusé Allah d'être pauvre. Hein, alors que Allah huwa al-ghani, c'est le riche. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsqu'ils ont dit qu'il était pauvre, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, on va écrire ce qu'ils ont dit, on va enregistrer ce qu'ils ont dit. Hein? Et il dit, et après il mentionne, et leur meurtre des prophètes, sans droit. Ça c'est une chose qui prouve que leur description d'Allah, par cette imperfection-là, est plus grave comme péché que le meurtre qu'ils ont fait des prophètes, leur meurtre des prophètes. Hein? Le fait de décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme étant pauvre, c'est plus grave comme péché que de tuer les prophètes. Donc ça montre à quel point les crimes qui sont faits dans la aqida et dans le tawhid, c'est plus grave que les autres crimes et les autres péchés que quelqu'un peut commettre, puisque la base de la foi c'est dans le tawhid. الثالث سمع يعني سمع يراد به التأييد التأييد ومنه قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فالمراد بالسمع هنا التأييد يعني أسمعك وأؤيدك يعني أسمع ما تقولان وما يقال لكما. Donc le point numéro 3, le cheikh il explique que on peut dire également, ou on peut utiliser le terme ou le sens de l'ouïe pour dire un aide ou un support de la part d'Allah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara, c'est le verset 46 dans surat Taha. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire ne craignez pas. Hein, vous deux, c'est-à-dire à Moussa et à Haroun, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à eux tous les deux en disant: n'ayez pas de crainte, je suis avec vous, tous les deux. J'entends et je vois. Et donc c'est comme s'il disait, yani, dans le sens de vouloir montrer qu'il les aide et qu'il les supporte. J'entends, hein, je t'entends, je te vois. C'est-à-dire j'entends ce que vous dites, tous les deux, et j'entends ce que les autres vous disent. Après le cheikh, il dit « Wa amma sam'ul ijaba » فمعناه أن الله يستجيب لمن دعاه ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده وأثابه ولا أدري أنحن ندرك معنى ما نقوله في صلاتنا أو أننا نقوله تعبدا ولا ندري ما المعنى عندما نقول الله أكبر تكبيرة الإحرام يعني أن الله أكبر من كل شيء عز وجل ولا نحيط بذلك لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا وعندما نقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده وليس المعنى أنه يسمعه فقط لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلم لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب وهذا السمع يقتضي الاستجابة لمن دعاه. Donc le cheikh il explique ici quelque chose de très important, c'est que lui, quand on parle du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a comme attribut lui, il peut entendre, ça peut être dans le sens également du fait qu'il exauce et qu'il entend dans le sens qu'il répond à l'invocation. Et il donne l'exemple ici, comme par exemple la parole d'Ibrahim. Inna Rabbi la sami'u du'a. Et mujibu du'a. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, il mentionne la parole d'Ibrahim, certes mon Seigneur est audient de l'invocation, eh bien ça ne veut pas dire seulement qu'il est audient dans le sens qu'il entend, mais bien entendu qu'il exauce et qu'il répond. Hein, qu'il répond à cette invocation-là. De même que lorsqu'on fait notre salat, quand on se lève du recours, de l'inclinaison, on se relève en disant « Sami Allahu liman hamida ». Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah exauce ou Allah répond à celui qui le glorifie et il le récompense. Donc le cheikh il dit « Je ne sais pas si on sait réellement ou si on comprend réellement qu'est-ce qu'on dit et la signification de ce qu'on dit dans notre salat. Parce que des fois, on se demande, est-ce qu'on fait ça vraiment par adoration, sans savoir la signification de qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'on dit par exemple Allahu Akbar, hein, dans Takbiratul Ihram, au début de la prière, le premier takbir, hein, on dit Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah est le plus grand. Et il est plus grand que toute chose. Il n'y a rien, hein, comme lui. Donc Allah est plus grand que tout. Et c'est-à-dire que parfois on le dit, mais on n'arrive pas à saisir la signification et l'importance de ça. Parce que Allah est plus grand que même qu'est-ce que notre raison peut arriver à comprendre. Il dit, et lorsqu'on dit Sami Allahu liman hamida, que Allah, hein, a entendu celui qui l'exauce, qui le glorifie, pardon. Allah a entendu celui qui le glorifie. Il dit ici, ça veut dire non pas seulement entendre que Allah a entendu, mais ça veut dire Allah a exaucé et répondu à celui qui l'a glorifié. Parce que, hein, ça ne veut pas dire seulement d'entendre. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala entend celui qui l'a glorifié, et il entend celui qui ne l'a pas glorifié aussi lorsqu'il parle. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est le fait qu'il exauce, hein, et qu'il réponde à l'invocation de celui qui l'a glorifié en lui donnant, en le récompensant, et en lui donnant cette, la récompense de l'exaucer. Et c'est ça, hein, dans ce sens-là qu'on dit que lui veut aussi impliquer ou peut aussi impliquer le fait d'être exaucé ou d'exaucer celui qui l'a invoqué. Et ensuite il dit, hein, alim, c'est-à-dire inna allaha sami'un alim. Donc on a expliqué as-sama', maintenant le cheikh il explique la science, al-ilm, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique. Donc il dit wa amma qawluhu ta'ala alimun فالمراد به أو فالمراد أنه ذو علم واسع. قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عندما تؤمن بأن الله سميع وأن الله عليم هل يمكن وأنت في عقلك الراشد أن تقول ما لا يرضيه؟ لا، لأنه يسمع، فلا ينبغي لك أن تسمع الله ما لا يرضاه منك، أسمعه ما يحبه ويرضاه إذا كنت مؤمنا حقا بأن الله سميع. Donc le cheikh il dit Allah il est omniscient, il a la science de toutes choses, il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Hein? Ça veut dire qu'il a une science immense, large. Et il mentionne donc le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit pour que vous sachiez que Allah a le pouvoir sur toute chose, il a le pouvoir sur toute chose et qu'il a enveloppé toute chose de sa science. Donc il dit le cheikh, lorsque tu crois en Allah et qu'il est audient et qu'il est omniscient, qu'il sait tout, est-ce que c'est possible pour toi dans ta raison qui est droite que par la suite tu dises quelque chose qui ne lui fasse pas plaisir et qui ne le satisfasse pas? Dis non, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il entend. Et donc, tu ne dois pas dire ce qu'il n'aime pas entendre. C'est pas possible que tu fasses entendre à Allah ce qu'il n'agrée pas de ta part. Hein? Alors, fais-lui entendre ce qu'il aime. Fais-lui entendre ce qu'il agrée. Si tu crois réellement que Allah subhanahu wa ta'ala est audient. Et il dit, وَاَعْتَقِدُوا لو أن أباك نهاك عن قول من الأقوال فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضاه أو تسمعه ما نهاك عنه فالله أعظم وأجل فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك وإذا آمنت بأنه بكل شيء عليم هذا أعم من السمع لأنه يشمل القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس به نفسك يعلمه عز وجل إذا علمت ذلك هل يمكن أن تفعل شيئا لا يرضيه؟ لا، لأنه ليس المقصود من إخبار الله لنا بأنه عليم بكل شيء أن نعلم هذا وأن نعتقده فقط بل المقصود هذا والمقصود شيء آخر وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على أنه بكل شيء عليم فإذا علمنا أنه بكل شيء عليم فهل نقول بما لا يرضى؟ لا، لأنه سوف يعلمه وإذا علمنا بأنه على كل شيء عليم هل نعتقد ما لا يرضى؟ هل نعتقد ما لا يرضى؟ لا، لأننا نعلم أنه يعلم ما في قلوبنا. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بينك وبين قلبك. فيجب علينا إذا مر بنا اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات الله أن نؤمن بهذا الاسم وهذه الصفة، وأن نقوم بما هو الثمرة من الإيمان بهذا الاسم أو الصفة، وما تضمنته الآية الكريمة من أدب عظيم وجه الله عباده إليه. وهذا هو الأدب الأول. Donc le Cheikh, il dit, pour terminer ce verset, il explique, il dit: je crois que si ton père t'interdit de dire une parole parmi les paroles, est-ce que tu vas oser lui faire entendre cette parole de ta part et lui faire entendre ce qu'il n'agrée pas et lui faire entendre ce qu'il t'a interdit de dire? Non, hein? En général, tu ne vas pas le dire. Si tu as du respect pour ton père, tu ne vas pas le dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand encore et mérite plus encore ton respect. Alors, prends garde de faire entendre à Allah ce que Allah n'agrée pas. Si tu crois réellement que Allah a la connaissance de toutes choses, parce que la connaissance, c'est plus large que lui. Hein? Le fait de savoir, c'est plus large que le fait d'entendre. Et donc, ça comprend non seulement la parole, mais également l'action. Et les choses même que tu te dis à l'intérieur de toi-même, les choses que tu soupires, les choses que, hein, que tu. Les différentes pensées ou suggestions qui te viennent dans ton âme, dans ta personne, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Donc si tu sais ça, est-ce que c'est possible pour toi de faire quelque chose que Allah n'agrée pas et dont il n'est pas satisfait? Il dit non, c'est pas possible. Hein? Parce que c'est quoi le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne qu'il est Samir, qu'il est Alim, qu'il a la science de toutes choses, la connaissance de toutes choses? Pourquoi il nous mentionne ça? Est-ce qu'il nous le mentionne uniquement pour qu'on le sache, ou juste parce qu'il veut qu'on croit qu'il connaît toutes choses seulement? Non, le Cheikh il dit: qu'est-ce qui est voulu par le fait de nous informer de ça? C'est oui qu'on le sache, oui qu'on y croit, oui, mais c'est pas ça seulement. Le plus important de ça, c'est le fruit qui en découle et le résultat, hein, parmi les conséquences de cette croyance et de cette foi et de cette connaissance que Allah a la science de toutes choses, hein, de savoir que Allah sait tout. Le fruit de ça, c'est quoi? C'est que lorsqu'on le sait, hein, qu'il a la connaissance de toutes choses, eh bien, c'est qu'on ne fasse pas ce qu'il n'agrée pas et ce qu'il n'aime pas. Parce que peu importe, il va le savoir. Est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'on dise et qu'est-ce qu'il n'agrée pas de nous? Non, parce que tôt ou tard, il va le savoir. Et allez, automatiquement, il va le savoir. Hein? C'est pas tôt ou tard. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Et même, il le savait avant même qu'on le fasse. Subhanallah. Si tu dis une mauvaise parole ou si tu fais une mauvaise action, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait au moment où tu le fais, mais il le savait même avant que tu le fasses. Hein? Et c'est lui qui l'avait prédestiné. Et il l'a voulu. Hein? Il l'a voulu dans sa volonté dans sa volonté dans sa, par rapport à la prédestinée et la volonté par rapport à qu'est-ce qu'il a créé. Toutefois, il t'a interdit de dire ce qui lui déplaît dans sa révélation et par la bouche de ses messagers. Et donc, tu dois t'abstenir de ce qu'il t'a interdit, hein, de dire ou de faire. Et ensuite, il dit, dans un autre verset, « وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ » C'est-à-dire, c'est dans la sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre l'homme et son cœur. » C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'interpose entre toi et ton cœur. Hein, par rapport à ta foi. Donc si tu as la foi, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'empêche de suivre tes passions et tes désirs, dans le sens que ta foi en lui et le fait que tu saches et que tu crois en ses noms et en ses attributs, eh bien ça t'empêche de faire les choses qui sont mauvaises pour toi et les choses qu'il t'a interdites. Donc il est obligatoire pour nous, lorsqu'on lit un des noms parmi les noms d'Allah ou une attribut parmi les attributs d'Allah, de croire en ce nom, de croire en cet attribut et de faire ce que le fruit de la foi en cet attribut ou en ce nom nous demande de faire. Et donc ça, c'est ce que le verset numéro 1 dans sourate Al-Hujurat nous indique comme manière noble, hein, et bon comportement à adopter envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier point qui a été mentionné dans sourate Al-Hujurat. Donc regardez, hein, un verset très court comme ça. Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wa taqullah Inna Allah sami'un alim. Juste un verset comme ça, et regardez combien, hein, le cheikh a pris pour l'expliquer. Il y en a de la page 7 à la page 16. Il y en a, c'est-à-dire presque 8 pages, hein, ou bien 7 pages, pour expliquer ça. Et là, ensuite, on va lire le prochain verset. Ou bien, on va expliquer une partie du verset qui suit. Le verset numéro 2 dans sourate Al-Hujurat. وَأَمَّا الْأَدَبُ الثَّانِي فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Hein? Et ça signifie quoi? Signifie, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Donc le cheikh, il dit, الآية الأولى فيها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء سواء من الأقوال أو الأفعال أو غيرها. وأما هذه الآية ففي رفع الصوت وإن لم يكن هناك تقدم بين وإن لم يكن هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب. يقول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا خاطبك النبي صلى الله عليه وسلم بصوت فاخفض صوتك عن صوته، وإذا رفع صوته فارفع صوتك، لكن لابد أن يكون دون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Donc le cheikh, il dit, le verset en question maintenant, dans le premier verset, il y avait l'interdiction de devancer Allah et son messager dans quoi que ce soit, peu importe que ce soit dans les paroles ou dans les actions ou autre. En ce qui concerne ce verset, le verset 2, eh bien c'est à propos du fait de lever la voix. Et même si tu ne vas pas devancer Allah et son messager dans les règles de la religion, dans le sens de rendre halal ou de rendre haram ou de rendre obligatoire quelque chose sans que cela vienne de ce que Allah a révélé, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quand même malgré ça, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ensuite, donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'adresse la parole, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'adresse sa parole par sa voix, alors baisse ta voix. Fais en sorte que ta voix soit plus basse, que ta voix soit plus basse que la sienne. Et s'il élève sa voix, alors élève ta voix, mais fais en sorte que la tienne soit en dessous de celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'élevez pas vos voix au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ يعني لا تنادونه بصوت مرتفع مرتفع كما ينادي بعضكم بعضا بل يكون جهرا تناديه بصوت مرتفع كما ينادي بعضكم بعضا بل يكون جهرا بأدب وتشريف وتعظيم يليق به صلى الله عليه وسلم وهذا كقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبوا بل يجب عليكم الإجابة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Donc le cheikh il dit, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et non c'est pas la voix, non c'est pas la voix vers lui lorsque vous parlez avec lui de la manière que vous la haussez les uns avec les autres. C'est-à-dire, ne l'appelez pas avec une voix haute. Ne criez pas ou n'élevez pas la voix quand vous l'appelez. Comme vous vous appelez les uns les autres. Mais tu dois l'appeler avec une bonne manière. Et avec honneur et avec respect. Et comme cela convient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit, ne faites pas ou ne rendez pas votre appel du messager comparable, yani votre appel du messager entre vous de la même manière que vous vous appelez les uns les autres, comme c'est mentionné dans le Coran. Et il dit donc, lorsqu'il vous appelle à quelque chose, ne faites pas de son appel quelque chose d'équivalent à l'appel que vous faites les uns les autres. Ne faites pas de l'appel du messager lorsqu'il vous appelle à faire quelque chose comme si c'était la même chose que lorsque vous vous appelez les uns les autres. Donc si c'est quelqu'un d'autre que le messager d'Allah, vous répondez si vous voulez, et si vous ne voulez pas, vous ne répondez pas. Tandis que si c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas refuser de répondre. Vous êtes obligé de répondre au messager d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement, il mentionne justement dans Sourate Al-Anfal, il dit, ô vous qui avez cru, répondez Hein? Répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui va vous faire revivre. وهنا قول وهنا قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كذلك أيضا لا تنادونه بما تتنادون به فلا تقولون يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله وما أشبه ذلك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Donc le cheikh il dit également, il dit et ne vous adressez pas la parole de la même manière que vous adressez la parole les uns aux autres. C'est-à-dire lorsque vous vous appelez les uns les autres, hein, vous pouvez vous appeler de différentes façons. Mais lorsque vous appelez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, vous ne l'appelez pas n'importe quelle manière, vous ne dites pas « Ô Muhammad », non. Mais vous dites plutôt « Ô messager d'Allah », « Ô prophète d'Allah », hein, par respect. Il dit, et des choses semblables. Donc il dit « Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun », c'est-à-dire pour pas que vos œuvres soient rendues vaines à cause de ça, alors que vous ne vous en rendez pas compte. Que vous n'en êtes pas conscient. Le cheikh il dit يعني, كراهة أن تحبط أعمالكم. والمعنى إنما نهيناكم عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهر له بالقول كجهره لبعض الناس قد يحبط عمله من حيث لا يشعر لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام توجب حبوط العمل ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس ابن الشماس رضي الله عنه يعني جهوري الصوت وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت هذه الآية تغيب في بيته صار لا يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فافتقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه فأخبروه أنه في بيته منذ نزلت الآية فأرسل إليه رسولا يسأله فقال إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وإنه قد حبط عمله وإنه من أهل النار فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فحضره وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وقال أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة قال بلى رضيت فقتل رضي الله عنه شهيدا في وقعة اليمامة وعاش حميدا وسيدخل الجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا ولذلك كان ثابت رضي الله عنه ممن يشهد له بأنه من أهل الجنة بعينه. Donc le cheikh il dit يعني faites attention donc de ne pas vous adresser au messager d'Allah de n'importe quelle façon ou d'élever la voix sur sa voix par crainte que cela fasse que vos œuvres soient annulées. Et cela veut dire que on a été interdit d'élever notre voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'élever la voix par-dessus lui comme on le fait lorsqu'on parle avec les autres personnes. Et ça, c'est par crainte que nos œuvres soient annulées alors qu'on ne réalise pas. Il y a la preuve ici que celui qui élève sa voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien qu'il mentionne il parle à haute voix ou il parle fort avec lui comme il parle avec les autres personnes, il y a un danger que la personne rende ses œuvres vaines sans s'en apercevoir. Et c'est pour ça que celui qui dans son cœur a du dénigrement, parce que c'est possible, c'est ça. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va annuler ou rendre vaines tes œuvres si tu t'adresses n'importe quelle façon avec le messager d'Allah ou si tu lui parles à voix haute? Eh bien, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans ton cœur c'est comme si un manque de, comme si à cause de ton manque de respect, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va te punir de cette façon-là en annulant tes œuvres. Pourquoi? Parce que tu vas manquer du respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et avoir du manque de respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et bien ça c'est un annulatif de l'islam. Ça fait partie des choses qui font de quelqu'un qui l'apostasie de la religion et donc qui rend les œuvres vaines. Et quand ce verset a été révélé, Thabit ibn Qais radiallahu anhu, c'était un homme qui avait une voix naturellement portante. Il faisait partie des gens qui faisaient les discours du prophète, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand le verset en question a été révélé, Thabit ibn Qais s'est enfermé chez lui et il ne venait plus s'asseoir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé pour lui et il a dit où est-il. Il s'est demandé où il était. Alors on lui a donné l'information qu'il était chez lui depuis que le verset avait été révélé. Alors il a envoyé quelqu'un comme messager pour lui dire pourquoi, pour lui demander pourquoi. Alors il est allé et il a mentionné donc que la raison pour laquelle il ne venait plus, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ô vous qui avez cru, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du messager, au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne vous appelez pas à haute voix les uns comme ne l'appelez pas à haute voix comme vous vous appelez les uns les autres, pour pas que vos œuvres soient annulées sans que vous vous en aperceviez. Et donc, il a eu peur que ses œuvres soient annulées. Et il a eu peur d'être parmi les gens de l'enfer. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé de venir. Et il s'est présenté. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné l'annonce qu'il sera au paradis, parmi les gens du paradis. Et comme c'est rapporté dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad et Al-Hakim dans Al-Mustadrak, il a dit à ce sujet que c'est un hadith authentique, d'après les conditions des deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, même s'ils ne l'ont pas rapporté. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce que tu es satisfait de vivre une vie louable et d'être tué en martyr et d'entrer au paradis? Il a dit, certes, au messager d'Allah, j'agrée, je suis satisfait de cela. Alors il a été tué, il est mort en martyr dans la bataille contre le faux prophète. Hein? Et il a vécu une vie honorable et louable. Et il est rentré au paradis avec le témoignage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Thabit ibn Qais fait partie de ceux qui ont eu le témoignage qu'ils seront dans le paradis de façon précise et de façon spécifique. لأن كل إنسان يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة فهو في الجنة وكل إنسان يشهد له بأنه في النار ففي النار فهو في النار وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فنشهد له بالعموم ونقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا إذا شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait de témoigner que quelqu'un est au paradis, hein, eh bien ça c'est toute personne pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de cela. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'il sera au paradis, alors il sera au paradis. Et s'il a témoigné de quelqu'un qu'il sera en enfer, il sera en enfer. Tandis que la personne pour qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas témoigné, alors on témoigne de notre côté de façon générale. C'est-à-dire, si quelqu'un est un croyant et fait partie des croyants, si quelqu'un fait partie des croyants, alors de façon générale, on peut dire que tout croyant sera au paradis et que tout mécréant sera en enfer. Donc on peut témoigner de façon générale, mais de témoigner de façon spécifique qu'il sera en enfer ou qu'il sera au paradis, ça on ne peut pas le faire. Hein? Excepté celui à propos de qui Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ففي هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له بالقول كجهره لسائر الناس وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت النبي صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولما نزلت هذه الآية تأدب الصحابة رضي الله عنهم بذلك حتى كان بعضهم يكلمه مسارة لا يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله من إصراره لما نزلت هذه الآية يكلمه مسارة لا يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله من إصراره حتى يستثبته مرة أخرى ففي هذه الآية دليل على أن كل من استهان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عمله حابط لأن الاستهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم ردة والاستهزاء به ردة كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وكانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا يعني أوسع ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا فأنزل الله هذه الآية ولما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب يعني نتكلم بكلام لا نريده ولكن لنقطع به عنا الطريق فأنزل الله هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولهذا كان الصحيح أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا مرتدا وإن تاب قبلنا توبته لكننا لا نرفع عنه القتل بل نقتله أخذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قتلناه بعد توبته النسوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر أو المعاصي أو من المعاصي. Donc le cheikh il termine donc l'explication de ce verset en disant que donc dans ce verset il y a le comportement adopté envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par respect pour le messager sallallahu alayhi wa sallam et on n'est pas donc on n'a pas le droit d'élever la parole et de parler au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme on s'adresse à n'importe quel des hommes hein? il n'est pas permis non plus donc d'élever la voix et il dit qu'il y a des compagnons lorsque ce verset-là a été révélé tellement ils avaient peur que leurs œuvres soient annulées qu'ils parlaient à voix basse et ils parlaient tellement à voix basse que parfois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il n'arrivait pas à comprendre la personne qui lui parlait hein? Tellement il parlait à voix basse et donc il devait lui demander de répéter ce qu'il disait encore une fois pour comprendre. Et donc ça c'est la preuve que quiconque manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ses œuvres seront annulées. Il dit la même chose pour celui qui se moque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui yani, se moque de lui. Ce raid du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un acte d'apostasie. Donc ça indique une chose, ça indique que c'était quelque chose que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquaient durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam on continue à montrer du respect au messager d'Allah et à baisser notre voix hein, en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa sunna. Et on n'élève pas notre voix par-dessus la voix de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en mettant nos opinions au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les paroles de quiconque parmi les hommes, même si ce sont des imams ou des ulama, on met la parole de personne au-dessus de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc de manquer de respect et d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de se railler de lui, c'est la même chose. Hein, c'est une forme d'apostasie. Et ceux qui s'étaient moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, parmi les munafiqines, eh bien ça c'était un exemple de leur apostasie. Et ils se moquaient du messager sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à ce sujet-là, dans surat Tawbah, et si tu leur demandes, ils diront, nous ne faisions que yani discuter et jouer hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas excusés parce que eux ils disaient on n'a jamais vu parmi ceux-là qui récitent le Coran, ceux qui sont les savants du Coran en voulant dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, on n'a jamais vu de plus gros ventre qu'eux, de plus peureux que lorsque on rencontre l'ennemi et de langue plus mensongère que que ceux-là. Donc ça, c'est une insulte. Hein? C'est une moquerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à ce sujet-là le verset. Donc, pour dire que celui qui se moquait de cette façon-là, eh bien, il n'est pas musulman. Il n'est pas croyant. Il a quitté la foi. Même si eux, ils s'excusaient de dire, hein, ils s'excusaient de ça en disant, on fait juste s'amuser, on jouait seulement, c'était juste pour blaguer, c'est pas sérieux. Hein, malgré tout. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala a dit de façon claire. Hein, parce qu'il disait ça, il disait, nous on était en voyage, on disait ça juste pour s'amuser en chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Et donc la position correcte à ce sujet, c'est que quiconque se moque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un apostat, il a mécru. Le cheikh il dit, si la personne en question se repent, on accepte sa repentance, mais ça ne retire pas l'obligation qu'il doit être exécuté. Ça ne retire pas l'obligation du fait qu'il doit être exécuté pour s'être moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, on va le tuer. Donc, c'est-à-dire, quand on dit on va le tuer, c'est dans le sens qu'il va être exécuté. Hein? Pas que quelqu'un parmi les musulmans dans la rue, comme ça, se permet de le tuer. Mais qu'il doit être jugé, amené devant un juge, et dans un pays musulman, on va appliquer sur lui la peine de l'apostat, hein, qui est la peine de mort. C'est ça que ça signifie. Et donc, il va être tué par rapport au droit du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il s'est repenti d'une repentance sincère, on va faire la salat de la prière de funérailles sur lui, tandis que s'il ne s'est pas repenti, il meurt apostat et mécréant. Tandis que s'il s'est repenti avant sa mort, il va être exécuté quand même, sauf que il va être enterré dans le cimetière des musulmans. Et on va prier sur lui, comme tous ceux qui se sont repentis de la mécréance ou des péchés avant leur mort. Et un point ici, par rapport à cette dernière parole qu'on a mentionnée, par rapport à ça, par rapport à ceux qui ont insulté ou se sont moqués du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le cas où ce sont des gens qui se disent musulmans. Si ce sont des gens qui sont des kuffars, il faut savoir que si ce qu'ils disent du messager d'Allah fait partie de leur mécréance de base dans leur religion, par exemple s'ils renient le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des choses comme ça parmi les chrétiens et les juifs, ça c'est pas considéré comme une insulte. C'est-à-dire c'est pas considéré comme une insulte qui fait que cette personne mérite d'être exécutée, puisque ça fait partie de sa mécréance de base. L'imam Al-Qadi Iyad, il a parlé de ça dans son livre Al-Shifa. Il a expliqué tout ce qui a rapport avec l'insulte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la punition pour ça. De même que Ibn Taymiyyah, il en a parlé aussi dans son livre Al-Salim Al-Maslul, Ala Shatim Al-Rasul. Donc il a mentionné les règles à ce sujet-là. Et aussi par rapport à ça, juste clarifier aussi en même temps que ça n'a rien à voir, la peine pour celui qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de n'importe quel autre prophète, ça c'est un verdict qui est révélé dans la charia et dans l'islam. Et ça, ça fait partie de la religion d'Allah. Personne ne peut le nier. Toutefois, qu'est-ce qu'ont fait les jeunes qui ont tué les caricaturistes, hein, et qui ont fait les attentats de Charlie Hebdo? Eh bien, ils n'avaient pas le droit de faire ça, puisque ce n'est pas à eux d'établir les peines et d'appliquer les punitions de la charia, hein, puisque ça c'est quelque chose qui est limité aux responsables des musulmans, aux dirigeants officiels du pays musulman ou d'un pays musulman. Et de deux également, c'est que ils ont agi d'une manière qui a ramené plus de mal que de bien, comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué. Et donc ils ont sali l'image des musulmans et de l'islam, et ils ont fait plus de tort à la religion d'Allah, hein, que de bien. En voulant soi-disant essayer de défendre la religion d'Allah, ils ont fait du tort. Et donc leur action a été condamnée par tous les ulama. Il n'y a personne qui a accepté et qui a agréé leur comportement et leur attitude. Donc c'est des jeunes qui ont suivi la compréhension ou la voie des Khawarij dans ce domaine-là, et donc ils ont contredit le bon comportement. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera demain, bi'iznillah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.